C'est Pyongyang City Rockers numéro 387 qui prend l'antenne sur campus 16,6 DAB+, machin, ouais, campuslille.com, youpi, enfin vous nous écoutez déjà donc c'est pas la peine qu'on répète ce genre de choses. On est obligé. Il paraît qu'on est obligé, ouais. Et donc ce soir c'est la doublette magique Tonton Gaël. Et tonton Stéphane. Salut Stéphane. Eh bien, moi je vais commencer par à la demande d'une auditrice qui est à l'Esperda Madrid, on sait même pas pourquoi, elle réclamait un groupe madrilène, donc je vais sortir un truc de la vieille époque. Années 80, TDEK. C'est presque, je pense qu'ils ont pris exemple sur une marque de cassette, mais ils ont rajouté un petit E parce qu'en fait pour eux TDK ça veut dire Terrorismo, Destrucción y Caos. Donc c'est un groupe qui s'est formé à Madrid en 84 et puis l'année suivante ils ont sorti un premier album dans lequel il y avait ce titre Israël. Donc c'était en 85 et ils expliquaient déjà que Israël te réduit au silence, Israël te détruira et Israël ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il vous voie tous morts. Comme quoi, 40 ans après, rien n'a changé. Rien c'est fou. Changé. Et les Espagnols sont toujours, là, toujours à la pointe de ce genre de trucs. Voici donc TDEK avec Israël. Familias y casas sin donde dormir se expulsan de vuestra nación aquellos que se llaman al pueblo de Dios. Es roba, os hace perder. Es roba. Ah oui, toujours. Toujours fumé. Toi aussi fumé ? Ouais, presque, presque. J'ai peut-être déjà passé ce morceau il y a des années, mais si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à trouver une copie 7 pouces qui tourne en 33 et qui est un repress sur lequel se trouve ce morceau. Alors j'ai chopé ça dans la distro de Nico Bordesen. Ce groupe, c'est un groupe japonais qui s'appelle Shuffle. C'est le premier groupe Skin Tokyo Heat. Il s'est formé en 1984. Il n'a sorti que 2 7 pouces. On les retrouve aussi sur la fameuse compilation Oi in Japan. Eux sont sur le volume 2. Alors le morceau que je vais vous passer, c'est le premier morceau qu'on peut entendre d'eux à l'époque, car c'est celui qui ouvre le premier EP. Skinhead Boy, tout de suite sur Radio Campus Lille. Oi. Oi, oi. Ouais, c'est bon, ça va. Hey! Et moi, j'aurais été en 84 à Tokyo, j'aurais été fan. Anthème, mec, anthème. C'était Shuffle. Hymne en français. Ouais, c'est clair, un hymne. À propos d'hymne, mais plutôt en crust, vous pouvez courir si vous êtes à Lille ou juste autour, au Hall Dirty Bignou, rue des Postes. C'est pas loin du Locaria et de la Griffe, là, vous voyez. Et ce soir, enfin maintenant même, c'était censé commencer à 20h. Il devait y avoir un concert de Matraque Attack et de Dischavizer, des crustos brésiliens qui passent dans le coin. Donc, bah voilà, quoi. Vous avez plus qu'à courir. Pour l'instant, on va les écouter tout de suite et sans plus tarder, comme on dit dans les bonnes radios. Dischavizer avec Fome Mata, la fin tue. C'est fou quand même. Et ça aussi, ça pourrait être un truc d'actualité. Suivez mon regard qui va vers l'Orient. Bref, moyen. Bretagne. Allô, madame. Ja. Ik ben het niet. RIP. Ouais, ouais. Alors, on vient d'écouter le dernier morceau de Crucified, qui ont sorti un nouvel EP le 24 avril dernier. Le morceau qu'on vient d'écouter est un hommage à notre défunt frère Olaf. RIP, frérot. Pour les autres morceaux, je vous invite à vous rendre sur leur page Bandcamp Crucified, point, je sais pas quoi, bandcamp.com. Ouais. Peut-être Crucified HC, je sais pas. Bon, enfin bref, tu trouves. Hein. Il y a un moteur de recherche Bandcamp qui marche. Tapez Belgium à côté, c'est un peu plus simple. Parce qu'il y en a pas mal de groupes qui s'appellent Crucified ou qui ont un morceau qui s'appelle Crucified. C'est curieux. Quand même. Merci Iron Cross. Ouais, alors que c'est plus du tout ces trucs-là qui sont à la mode. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est like punk. D'ailleurs, la preuve que c'est à la mode, c'est même passé sur Arte. J'avais oublié de le regarder quand j'avais vu passer des trucs sur différents réseaux sociaux. Et tu nous as rappelé que ce morceau d'anthologie qui dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est quoi, ça, ouais. Était disponible sur le site d'Arte. Et donc, il suffit d'aller le regarder. Enfin, puis il est disponible aussi sur YouTube, je crois. Ouais. C'est pas faux ce qu'il y a dedans, mais franchement, c'est vu d'une manière journalistique mainstream, quoi. Et il y a des trucs. Moi, ça. Quand on clique, on sait déjà sur quoi un peu tomber. Ah ouais, il y a un côté. Il y a quand même un petit côté bobo qui se la pète, tu vois. Ouais, moi, je connais les punk, tu vois. Et puis, mais en même temps, il y a une manière de présenter les choses comme si c'était des grandes nouveautés, alors qu'en fait, des trucs qui n'étaient pas appelés egg punk, mais qui avaient un peu le même genre de façon de faire, c'est-à-dire fait n'importe comment, si possible, dans ta salle de bar avec une table de mixage toute pourrie, ou pas de table de mixage. C'est un truc que tu présentais post-Covid, ouais. Et puis après, ils se rendent compte qu'en 2017, déjà, il y avait. Ouais, et puis, mais même dès 77 et même avant, t'avais déjà des groupes qui faisaient Divo. Des trucs un peu dans ce genre-là. Et puis, eux, Divo, ils avaient une production derrière, quoi. Ils étaient même, à l'époque, c'était un gros label. Mais même, t'avais des groupes, même dans la vague punk un peu underground qui a commencé aux États-Unis et en Angleterre en même temps, puis après dans d'autres pays. T'avais plein de groupes qui faisaient un peu ce genre de truc, quoi, avec même des fois des claviers tout pourris, enfin tout le bordel, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on appelait pas ça egg punk et puis que c'était un peu regardé d'une manière condescendante par tous les journalistes à la Philippe Manœuvre. et donc, c'est un peu resté. Un peu rester en dehors des sentiers battus, quoi. Et donc la meuf, à un moment aussi, elle dit « Oui, alors le punk, au départ, c'est des trucs revendicatifs et hargneux et tout ça. » Oui, non, pas fort. Oui, mais pas que. Et pas forcément, quoi. Et puis des fois, ça faisait tout à la fois revendicatif, hargneux et rigolard, et puis destroy, et puis avec des instruments tout pourris, des fois des instruments joués. Je sais pas toi, mais elle fait l'opposition avec le chain punk. J'avais jamais entendu parler de chain punk avant de regarder Arte. C'est des dénominations à la con, quoi. Moi, je suis pas contre à donner des dénominations rigolotes, quoi. Hein, j'étais comme Snaps. J'étais à l'époque du Pits où quand même à un moment toute la bande de ceux qui ont créé le Pits ils avaient leur chic pour créer des dénominations qui faisaient 10 mots mis en chaîne. Bah t'en as reçu il y a 3 semaines ou il y a 15 jours, Greg Smith fait pareil. Oui c'est ça. Ouais mais là eux ils collaient tous les mots et c'était rigolo. Donc ça donnait des fois des mélanges plein de saveurs et plein de poésie, quoi. C'était très cool. Donc bref, pour revenir sur ce truc sur l'egg punk, le punk œuf. C'est pas Greg, enfin c'est voilà. ça peut se regarder, quoi, ça peut s'écouter aussi. Tiens, d'ailleurs, il y a les gens de Pleasance, je crois, à un moment, les Australiens là. Peut-être aussi. Ouais. Enfin bref, Pleasance, on les a vus il n'y a pas longtemps au Pits, justement. Et puis, il y a un truc quand même qui est bien, c'est qu'à la fin du reportage, ce reportage un peu bénache, on voit qu'il y a déjà des gens qui disent que Like Punk est mort. Tu sais. Puis d'autres, du coup, ça fait. Il y a ceux qui disent non, Like Punk n'est pas mort. C'est les Wati des années 2020, tu vois. Wati Bouchard, hein, bien sûr. C'est pas Goulis le groupe que tu parlais. Ouais, Goulis, ouais, exactement. Ouais. Voilà, mais ils avaient fait la tournée avec Pleasance, voilà, c'est pour ça. Donc bref, à regarder. Et puis voici un truc qui est sorti, pas plus tôt que dimanche dernier. Ah bah ça prend tous les jours. Une c'est des, c'est des Américains qui répondent d'où nom de Snare Waves. Comment que ça peut vouloir dire Snare Waves? Des ondes grinçantes, j'en sais rien. Bref, les voici donc. Alors, ça se trouve sur leur Bandcamp, justement. S-N-A-R-E-W-A-V-E-S, Snare Waves. Voici donc deux titres qui totalisent la durée... Alors, j'allais dire 3 minutes, puisque c'est pas plus d'une trente. Ouais, non, là, les deux titres, ça fait 1,02 en d'accord, tout. D'accord. Voici donc le premier, c'est I'd rather die than be on LinkedIn. Oui, moi, je confirme. Et puis le deuxième, c'est Robot Gal, une meuf robot. Pourquoi j'en sais rien. Snare Waves, Egg Punk, pour toujours, hein, bien sûr. Forever. Voilà, t'as entendu la transition entre les deux morceaux ? Ah bah, qui ne l'a pas entendu ? T'es fort, bah moi, parce que je t'entends parler. Ah ouais. Voilà. Allez, grand écart studioïstique. Ça se dit, enfin, ouais, ouais, bref. Bah t'es dans la studio. Bon. Allez, Crime est un groupe de punk rock catalan formé en 2011 à Tarragone, composé d'Adelia au chant et à la guitare, de Quim à la guitare, de Marc à la batterie et de Javier à la basse. Le groupe s'est rapidement imposé sur la scène locale grâce à son style énergique mêlant punk, oi et hardcore chanté en catalan. Bon, ça c'est pour la bio du groupe. Ceux qui ont déjà vu le groupe sur scène savent que ça rigole pas et qu'en live c'est de la branlée assurée. Moi je les ai vus genre 3 ou 4 fois en 4 semaines. À chaque fois j'étais T'as aimé ? Ouais, j'ai kiffé, ouais. Et ben, il y a quelques jours, il y a deux morceaux que j'ai avec moi qui sont sortis pour annoncer le nouvel album apparaître à l'automne. J'attends que ça. Alors je vous propose de les écouter. Carnets de Punk suivi de Preso Mental. C'est Crime sur Radio Campus Lille. Está a reventar, da fita puta, amb ganes de ser genis. Juste bien. Ah, c'est ça, hein, quand on passe un long bloc comme ça, avec des super titres, et ben, on les écoute autour d'un bon soft. Attends, vas-y. Jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà. Bon, allez. On n'a même pas pu deviner le prochain morceau, c'est bien. Pardon ? On ne peut pas deviner le prochain morceau ce coup-ci. Non, on ne peut pas deviner le prochain. Toi, tu ne veux pas le deviner. C'est, moi, je continue de faire mes annonces de concert. Hein. Vas-y, pas annonce. Pas de problème. Ouais. C'est vendredi qu'il y a Vautour avec Teigne et Wired. Ils seront à la Griffe à Lille. C'est marrant, je n'annonce que des concerts lillois. Ils seront à la Griffe, donc, qui se trouve 37 rue des Postes, comme chacun sait. Vautour, Noise Hardcore, Teigne, Grind. C'est bien, Teigne. Et Wired, que je n'ai pas l'honneur de connaître. Noise Rock, paraît-il. C'est organisé par Merci Satan, qu'on remercie Merci Satan. Ça commence vers 19h30 et c'est que 5 euros l'entrée. Franchement, vous y allez. En plus, il y a une superbe affiche. Peut-être qu'il y en aura des exemplaires, on va savoir. Voici donc les Lillois de Vautour. Où est-ce que je l'ai foutu avec un truc qui sent le, je sais pas, on va dire le concours de beat des gens qui ont la plus grande tristesse. My sorrow tastes bitter than yours. Voilà, c'est torturé. C'est Vautour. Prendre du speed, les gars. Peut-être. C'est Vautour qui s'avance maintenant vers vous. Even numbers, that's something. c'est fini. j'enchaîne direct. Vous êtes sur Campus 106,6, il est 20h33 et vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 387, alors que Zezlou vient d'entrer dans le studio. Salut Zezlou. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ouais. En plus, t'as ramené tout du monde là, mais ils veulent pas rentrer, ils sont timides. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pourquoi? Parce qu'il y a une soirée reggae là, à la MDE, c'est ça? Bah, allez, à la MDE, faut le dire. Vas-y, que reggae. Raconte, raconte. Attends, mais faut que je te branche ton micro, tic-tac. Le 4. C'est soirée reggae. Non, pas que reggae en fait. C'est la release party de Seawalk qui sort son EP Zone. Et du coup, c'est ce soir à la MDE. Son concert commence à 21h. Vous avez encore un petit peu le temps de venir. Juste après l'émission. Et après, ouais. C'est techno. Et c'est bien Seawalk, hein. Putain. Ouais, ouais, c'est hyper bien ce qu'elle fait. J'en ai passé lundi sur RCV, puis ça repasse demain matin sur Campus. Magnifique. Bah, on en a passé aussi pour le MacLeod Show la semaine dernière, enfin voilà. Il y a deux semaines. MacLeod Show, c'est un vendredi par mois. Exactement, c'est le dernier, enfin là je pense que ça va être l'avant-dernier, mais le dernier vendredi du mois de 21h à minuit sur le Campus Live. Youpi. Voilà, eh ben, merci les photos. Hein. Ouais, petite pub. Hein. T'as bien fait. Le groupe qui fait sensation dès qu'il sort quelque chose en ce moment, c'est bien Béton Armé. On sait à quoi s'attendre avant de cliquer sur chaque nouvelle sortie, mais à chaque fois c'est trop bon. Les Montréalais sont donc de retour avec un album qui sortira fin du mois sur La Vida Es Un Mousse. Commence à économiser, mais les Zaza, c'est un conseil, hein, parce que c'est toujours un peu une couille le prix d'un disque là-bas. En attendant, on vous propose gratuitement leur nouvelle pépite Chemin de Croix. Ouhou. Sur Radio Campus Lille 106,6, campuslille.com. Oui. Yeah! Calisque, c'était bon. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Donc, Béton Armé, qui était la semaine dernière au Bal des Vauriens, qui seront de retour sur le sol européen au mois de juin. Je sais qu'il y a une date à Anvers, des dates en France, dont le Hellfest. Bien. Ouais. j'ai perdu mon texte. Béton Armé, petit groupe qui est devenu très grand en deux coups de pagaie. Ils sont vraiment très forts. Ils sont forts, hein? Bah ouais. Bah oui. Ça n'est pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus, c'est d'aller à la Bratkev. Mais certains iront pour voir Saint-Python. Tu connais Serpiton ? Je ne connais point. Non, mais c'est un bled à côté. Enfin, quand tu arrives à Solem, quand tu viens de Donat. D'accord. Pour ça, je connais parce que je suis de Donat au départ. mais là, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas si ce groupe de Valenciennes s'appelle St.Piton parce qu'ils viennent au départ de ce petit village. Mais enfin, toujours est-il qu'ils font, bah, on va dire, du cold punk. Cold punk. C'est de la cold, mais quand même, il y a punk. Ils seront accompagnés de Dustumult, un groupe punk crust jazzcore, valenciennois aussi. Il y aura aussi Sinistre Rose, Cold Wave Lilloise, et un groupe manceau, du Mans, donc, qui s'appelle Turbo Panda, qui, paraît-il, fait du panda rock. C'est comme tu veux. Hein. Donc, ça, tout ça, ça sera à la Brad Cave, quand donc samedi prochain, à partir de 19h30 pour 8€, organisé par les excellents We Are Not Worthy, que nous saluons au passage bien bas. Et voici donc Saint-Piton, sans trop s'embêter, avec la vie moderne, c'est la guerre. C'est marrant, c'est un truc, un terme que j'ai déjà entendu, mais en anglais. Voilà, Saint-Piton, boum. Faut y aller. Hein, je vais aller écouter ça. Je vais écouter ça. Il y a qu'un titre dispo pour l'instant. Enfin, j'en ai trouvé qu'un sur YouTube, je crois. Celui-là. Ben, il y aura peut-être d'autres trucs à se procurer samedi. Hein, ouais, en savoir. Ouais. Puis vous le mettre sur Droogies aussi. Et tu me disais tout à l'heure, ouais, tes groupes basques, là, des trucs bien. Vas-y, j'en ai encore un, là. Oui, je confirme. Arezi est un groupe de punk originaire de Bermeo, en Biscaye, au Pays Basque. Le groupe s'est formé en 2021 et est composé de membres issus de formations telles que Revert, Puro Audio, Ogro et Santa Cruz. Je connais que Revert là-dedans. Pourtant, j'ai déjà passé tous les groupes. Ouais. Au gros, c'est bien plus black metal skinhead, tu vois. Black metal, quoi. Ils vont sortir donc, pas au gros, hein, à Rési, un nouvel album sur Maine des Coups de Discac le 23 mai prochain. À PCR, on n'a pas envie de vous faire attendre jusque-là, alors on va vous passer un morceau qui s'appelle Eurekaz Edo Gegaz. Ça veut dire avec eux ou avec nous. Alors, t'es de quel côté, Manza? Nous, du bon. 106,6. Il y a deux côtés aux barricades. Celle de droite et celle de gauche. Ouais. 106,6, ça résiste sur Radio Campus Lille. Oi, oi. Là, c'est très bien. Et Arezi aussi, bravo. Ouais, vous avez déjà encore 12 minutes et quelques à nous supporter. Voici donc le moment de vous passer un peu de No Wave. En plus, c'est légèrement dansant quand même. C'est Tank of Dancing. C'est un groupe allemand formé à Koblenz en 1980 dans la foulée et sous l'inspiration de grands anciens comme Gang of Four ou Pop Group. pas au groupe dont on a commémoré, enfin dont on a parlé de la disparition du chanteur il y a 2 ans à peu près, jour pour jour. Ouais. Bah ouais, c'était le moment de le passer. Enfin bref, tant qu'off Danzig, ils ont pris la relève en vers 80. Ils faisaient de la new wave, parfois limite funk punk, ça jouait new wave, donc jusque vers 85. Ensuite, ils sont partis dans le BM, Electronic Body Music, que tu danses tous les soirs devant ta chaîne stéréo. De mon pays. Mais ouais. Voilà. Et donc, bah, ici, il vous propose un sujet de dissertation, What's the Sense of Life. Vous avez 4 minutes 44, Talk of Danzig. Recto verso. Hein. What's a sense of life? Ah, what's a sense of life? What? d'ailleurs, oui, ils ont ressorti des titres encore assez récemment, vu qu'en 2020, ce n'était qu'il y a 5 ans, même pas, ils ont sorti un truc pour... je ne sais pas trop si c'est à la gloire ou pour dénoncer les dictateurs en vogue, Poutine, Xi Jinping et Donald Trump, vu qu'à l'époque, il était déjà président des États-Unis. Voilà, c'était Tank of Danzig. Youpi, sur Campus 106,6, c'est Pyongyang City Rockers. Et tu vas nous passer quelque chose. Ouais, j'ai pris un truc avec moi qui s'appelle. Attends. Style. Style Defiant. Je sais, mais j'essaie de mettre mon texte droit. Allez, il veut pas tourner. C'est pour ça qu'il faut avoir du papier, monsieur. Enfoiré. Alors voilà, c'est bon. Alors, quand j'ai vu que Jamo venait pas en dernière minute, j'ai pioché un morceau au hasard dans mes MP3. Carrément. Et je suis tombé sur un morceau du groupe allemand Steel Defiant qui reprend Eddie and the Hot Rods. Le morceau, c'est Ignore Them. Et il faut avouer que la reprise est plutôt excellente. Donc, bah voilà, Steel Defiant. Ah ouais. C'est un morceau isolé qu'on retrouve sur aucun Scud. Voilà, Steel Defiant, Ignore Them sur le 106,6. C'est le moment reprise. Cover sucks, pas tout le temps. hein, Fonso. Et ouais, gros. Je le fais à la DD. N'oubliez pas que dans une demi-heure, sur une radio amie et néanmoins concurrente, et néanmoins amie, RCV 99 FM, il y a Swingaling Sound. Que des trucs comme ça. Là, c'est Roland Alfonso, donc and the Soul Brothers, qui font Lucky Star. On se retrouve la semaine prochaine, vu que la 387e de Pyongyang Steel Rockers s'est terminée. On aura encore peut-être des invités, peut-être pas, j'en sais rien. T'as quelque chose à dire pour ta défense ? Bah, trop rien, sinon, pour ceux qui aiment le reggae comme ça, là, le 28 mai, à la Maison des étudiantes, de l'autre côté de la radio, il y aura Selecta Cab et Coptic Sound, du Sound System, pendant toute la soirée, la night. Yeah, c'est comme ça qu'ils parlent. Et on n'oublie pas. À Cab, à la semaine prochaine.